troisième partie, chapitre 7, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gillian Hendry. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Troisième partie, chapitre 7. De la manière de conserver sa réputation avec esprit d'humilité. La louange, l'honneur et la gloire ne sont pas le prix d'une vertu commune, mais d'une vertu rare et excellente. Quand nous louons une personne, nous voulons en donner de l'estime aux autres. Si nous l'honorons nous-mêmes, cet honneur est une marque de l'estime que nous en avons. Et la gloire n'est autre chose qu'un certain éclat de réputation qui lui revient de toutes les louanges qu'on lui donne et de tous les honneurs qu'on lui rend. Semblable à la lumière et l'émail de plusieurs pierres précieuses qui forment tout ensemble une même couronne. Or, l'humilité nous défendant tout amour et toute estime de notre propre excellence. Elle nous défend aussi la recherche de la louange, de l'honneur et de la gloire, qui ne sont dus qu'à un mérite d'excellence et de distinction. Cependant, elle reçoit le conseil de sages, qui nous avertit d'avoir soin de notre réputation, parce que la réputation n'est pas établie sur l'excellence d'aucune vertu ou perfection, mais seulement sur une certaine bonté, de mœurs et d'intégrité de vie. Et comme l'humilité ne nous défend pas de croire que nous avons ce mérite commun et ordinaire, elle ne nous défend pas non plus l'amour et le soin de notre réputation. Il est vrai que l'humilité mépriserait encore la réputation si elle n'était pas nécessaire à la charité. Mais parce qu'elle est un des principaux fondements de la société humaine et que sans elle, nous sommes non seulement inutiles au public, mais encore pernicieux par la raison du scandale qu'il en reçoit. La charité nous oblige à la désirer et à la conserver, et l'humilité souffre nos désirs et nos soins. Ne peut-on pas dire que la bonne renommée est à l'homme ce que la verdure d'un beau feuillage est à un arbre? En effet, quoique l'on n'estime pas beaucoup les feuilles d'un arbre, elles servent cependant à l'embellir et à conserver ses fruits, tandis qu'ils sont encore tendres. De même, la réputation n'est pas un bien fort souhaitable par elle-même, mais elle est l'ornement de notre vie et nous aide beaucoup à conserver nos vertus et principalement celles qui sont encore tendres et faibles. Car l'obligation de soutenir notre réputation et d'être tel qu'on nous estime fait à une âme généreuse une douce violence qui la détermine bien fortement. Conservons des vertus, Philothée, parce qu'elles sont agréables à Dieu, qui est le grand et le souverain objet de toutes nos actions. Mais comme ceux qui veulent conserver des fruits ne se contentent pas de les confier, et qu'ils le mettent encore dans les vases propres à cet usage. Ainsi bien que l'amour divin soit le principal conservateur de nos vertus, nous pouvons encore faire servir utilement à leur conservation l'amour de notre prochain. Il ne faut pas pourtant que ce soit avec un certain esprit d'ardeur et d'exactitude pointilleuse, car ceux qui sont si délicats et si sensibles sur leur honneur, ressemble à ces hommes qui prennent des médecines pour toutes sortes de petites incommodités et qui ruinent tout à fait leur santé à force de la vouloir conserver. Oui, la trop grande délicatesse sur la conservation de la réputation la fait perdre entièrement, parce que cette sensibilité trop vive rend un homme bizarre, mutin, insupportable, et provoque contre lui la malignité des médisants. La dissimulation et le mépris d'une médisance ou d'une calomnie est ordinairement un remède plus salutaire que le ressentiment, la contestation et la vengeance. Le mépris dissipe tout, mais la colère donne un air de vraisemblance à ce qu'on dit. Le crocodile ne fait mal, dit-on, qu'à ceux qui le craignent. Et j'ajoute que la médisance ne fait tort qu'à ceux qui s'en mettent en peine. Une crainte excessive de perdre sa réputation fait ressentir aux autres une grande défiance que l'on a de son mérite ou de la vertu qui en est le fondement. Les villes qui n'ont que des ponts de bois sur des gros fleuves, en craignant la ruine à toutes sortes de débordements. Mais là où les ponts sont de pierre, on ne craint que les inondations extraordinaires. Ceux aussi qui ont l'âme solidement chrétienne méprisent ces flux de paroles dont la médisance remplit le monde. Mais ceux qui se sentent faibles s'inquiètent de tout ce qu'on leur dit. Indubitablement, filoté, quiconque veut avoir une réputation universelle la perd universellement, et celui-là mérite aussi de perdre l'honneur qu'il veut recevoir de ces hommes que le vice a déshonorés. La réputation n'est pas comme une enseigne qui fait connaître où la vertu loge. La vertu qui doit donc être préférée partout et en toutes choses. C'est pourquoi, si l'on dit que vous êtes un hypocrite parce que vous vivez chrétiennement, ou que vous êtes un lâche parce que vous avez pardonné à votre prochain l'injure qu'il vous a faite, méprisez tous ces jugements, car outre qu'ils ne viennent que de sottes gens et toujours fort méprisables par beaucoup d'endroits, il ne faudrait pas abandonner la vertu pour conserver votre réputation. Les fruits d'un arbre valent mieux que les feuilles, et nous devons préférer les biens intérieurs et spirituels aux biens extérieurs. Oui, l'on peut être jaloux de son bonheur, mais on n'en doit jamais être idolâtre. Et comme il ne faut rien faire qui blesse les yeux des gens de bien, il ne faut pas chercher à plaire aux yeux des méchants. Le psalmiste dit que la langue des médisants est semblable à un rasoir bien affilé. Et nous pouvons comparer la bonne renommée à une belle chevelure qui, ayant été coupée ou entièrement rasée, revient plus touffue et plus belle qu'elle n'était. Mais comme les cheveux que l'on a arrachés de la tête jusqu'à la racine ne reviennent presque jamais, je dis aussi que si par une conduite déréglée et scandaleuse, nous détruisons notre réputation, il sera difficile de la rétablir, parce qu'elle aura été détruite jusqu'au fondement, qui est cette probité des mœurs, laquelle, tandis qu'elle subsiste en nous, peut toujours nous rendre l'honneur que la médisance nous aurait ravis. Il faut quitter cette vaine conversation, cette société inutile, cette amitié frivole, cet amusement de plaisir, si la réputation en reçoit quelque atteinte, puisqu'elle vaut mieux que toutes ces satisfactions humaines. Mais si pour les exercices de piété, pour l'avancement en la vie spirituelle, pour l'application à mériter les biens éternels, le monde murmure et gronde, ou éclate même en médisance et en calomnie, il faut laisser, comme l'on dit, aboyer les matins contre la lune. Le rasoir de la médisance servira à notre honneur, comme la serpe à la vigne que l'on taille et qui emporte plus de raisins. Ayons toujours les yeux attachés sur Jésus crucifié, marchons dans ses voies avec confiance et simplicité, mais aussi avec prudence et discrétion. Il sera le protecteur de notre réputation, et s'il permet qu'elle soit flétrie ou que nous la perdions, ce ne sera que pour nous rendre plus d'honneur, même aux yeux des hommes, ou pour nous perfectionner dans la sainte humilité, dont je puis vous dire familièrement qu'une seule once vaut mieux que 1000 livres d'honneur. Si l'on vous blâme injustement, opposons la vérité à la calomnie avec un esprit de paix. Si après cela la calomnie subsiste encore, tâchons de subsister dans notre humiliation, en remettant ainsi notre honneur avec notre âme entre les mains de Dieu. C'est le conserver avec plus de sûreté. Servons donc notre divin maître dans la bonne et dans la mauvaise renommée, à l'exemple de saint Paul, afin que nous puissions dire avec David, quand le Seigneur voudra que nous soyons humiliés, « Ô mon Dieu, c'est par vous que j'ai supporté cet opprobre et la confusion qui a couvert mon visage. » Il y a cependant deux exceptions à faire ici. La première regarde de certains crimes si atroces et si infâmes que personne n'en doit souffrir le reproche quand on peut s'en justifier. La seconde touche de certaines personnes dont la réputation est nécessaire à l'édification publique, car en ces deux cas, il faut poursuivre tranquillement la réputation du tort que l'on a reçu. C'est le sentiment des théologiens. Fin de chapitre 7, troisième partie.